parole de 11, 12 ans. 11 ans, ouais. As-tu 11 ans, Lydia? Non, 10 ans. Bon, ben 10 ans. 10 ans jusqu'à le plus vieux, je pense que c'est Landry le plus vieux, là, 27. Ça gravitait entre les deux. Le sujet, c'est bienvenue dans la famille. Et les passages bibliques qu'on a pris, c'était vraiment l'importance de s'attacher à l'écriture, puis aux écritures, de les comprendre, puis les mettre en pratique ensemble, ce qui n'est pas évident, puis de rechercher la compagnie de ceux qui aiment le Seigneur plutôt que quelqu'un d'autre. Alors, ce matin, on va être dans Genèse, je trouve intéressant, parce que Landry va pouvoir faire le pont entre... Parce que Landry était un des trois enseignants pendant le week-end. Fait que c'est très bien de quoi je parle. Il va pouvoir faire le pont entre un peu ce qu'on a discuté là-bas, sans nécessairement le faire directement, là. Mais comment ça se passe dans la famille? Puis comment ça devrait se passer? Alors, Landry, je vais mettre un poids sur tes épaules. On va prier ensemble? On va prier ensemble? Oui. Ça paraît pas, hein, Mia Rougi, là. Je l'ai vu. Alors, merci Seigneur pour le privilège qu'on a d'avoir ta parole dans les mains, puis de pouvoir la regarder ensemble, l'étudier ensemble, la comprendre ensemble. Alors, je te prie d'être avec Landry. Je sais que tu es avec lui, mais je te prie de l'aider d'une façon particulière, de lui donner... de te servir de lui pour communiquer à ton Église, à nous, ce que tu veux qu'on comprenne, nous, aujourd'hui, maintenant, avec ta parole. Alors, c'est dans le nom de Jésus qu'on prie, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Jean-Claude. C'est bon, on m'entend? Bien? Hein? Attends. Voilà. C'est bon? Super. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit à Jésus, viens au secours de ma foi. Moi, ce matin, j'ai dit, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Aujourd'hui, je n'ai pas de présentation. Donc, souffrez de me voir et de ma voix. Et nous prions le Seigneur qu'il nous fasse du bien ce matin. Amen. Donc, ce matin, nous allons voir Ésaïe. 30, et pas Isaïe, Genèse. Nous allons voir Genèse 37, ok? Genèse 37. Nous sommes, pour mettre le tableau, nous sommes toujours dans le plan de Dieu, le plan de rédemption de Dieu pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Et on a dit précédemment que Dieu, hein, c'est choisi un homme et une famille, hein, celle d'Abraham. Abraham, il a fait une promesse à Abraham, hein, promesse que c'est des nations sortiront de lui. Et Abraham a donné naissance. Bon. Et la promesse est partie d'Abraham à Isaac, ensuite d'Isaac à Jacob, et de Jacob à ses fils. Et ce matin, nous allons, comme Jean-Claude a dit, nous concentrer sur la famille de Jacob. Hein? Et amen. C'est bon? Donc, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Genèse. Ce matin, ça sera beaucoup plus tranquille. On va communiquer ensemble. C'est bon? Interagir. Merci, Liz, pour le mot. Donc, Genèse 37. Donc, est-ce que tout le monde y est? Ah, on attend Luc. C'est bon, Luc? Parfait. On y va. Donc, je lis la parole du Seigneur. Genèse 37. Ésaïe demeura dans le pays de Canaan. Oh.

le déclencheur dans tout cela, c'est la convoitise. Convoitise développée, convoitise nourrie. Comment définissez-vous la convoitise? Selon vous, qu'est-ce que la convoitise? Séduction. Désir. Des choses qu'on veut. Séduction, désir, des choses qu'on veut. Envie. OK. Envie, tu ne chercheras pas à voir ce que l'autre a. Tu ne porteras pas envie à ce que l'autre a. Autre chose? L'ambition. D'accord. La jalousie, oui, la jalousie. Désirer les choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour nous. Un désir immodéré. OK. D'accord. Donc, on est d'abord, entendons-nous sur la définition avant de continuer. Donc, on est tous d'accord que la convoitise, c'est vouloir posséder, vouloir avoir l'envie d'acquérir quelque chose que l'autre a. N'est-ce pas? OK. On est d'accord, on peut avancer là-dessus. La Bible ici, dans le Genèse 37, okay, ce matin, on va voir qu'à travers ce passage Genèse 37, que Dieu nous interpelle à ne pas amorcer notre convoitise, mais à considérer son amour infini. Et cela à travers trois. Est-ce que je répète pour les besoins de ceux qui notent? Non? Oui? Donc, on va voir qu'au travers, OK, ce matin, au travers de Genèse 37, OK, trois cas à travers lesquels Dieu nous interpelle à ne pas amorcer, à ne pas développer ou nourrir notre convoitise, et à considérer son amour inconditionnel pour nous. C'est bon? Le premier cas, c'est la famille de Jacob. On l'a lu tout à l'heure, la dynamique familiale n'est pas saine. La dynamique familiale est très, très conflictuelle. Et la Bible dit que, ici, Jacob, Israël, c'est la même personne. OK? Et la Bible dit que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres frères. Et aussi que à cause de ce fait-là, que Jacob aimait Joseph plus que les frères de Joseph ont commencé à avoir de la haine, ont eu de la haine pour Joseph. Ils ont eu de la haine pour Joseph parce qu'ils voyaient que leur père témoignait beaucoup plus d'amour à Joseph qu'à eux. Et donc, hein, la haine a donc commencé à naître dans leur cœur. Lorsque Joseph leur a conté les songes qu'il a eus, songes très bien interprétés, quelle a été leur réaction? Si vous lisez avec attention, vous allez vous rendre compte que la Bible déclare qu'ils l'ont haï encore davantage. C'est comme si on atteint un autre niveau de haine. Mettons que lorsqu'ils voyaient que leur père manifestait plus d'amour envers Joseph, la haine était là. Et quand Joseph leur a conté leur songe, c'est venu ici. Parce que la Bible déclare, ils l'ont haï encore davantage. Alors donc, comment on quitte d'ici à là? Parce que la haine a grandi. Oui, c'est probable, mais les Écritures ne nous montrent pas les intentions de Joseph. Jacob aimait plus Joseph, OK. Mais quand Joseph a commencé à raconter ses songes, comme que tout le monde se prosternait devant lui, je pense que ça comme c'est ça qui a amené comme la coche au-dessus. C'était comme il dominait pas juste sur eux, il dominait sur tout comme puis eux non. Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui a amené un peu plus de haine puis moi je suis d'accord, je pense que il jetait de l'huile sur le feu là. Je pense que il se vantait pas mal. Mm-hmm. Oui, mais les ouais. Mais oui. Moi, je dirais que les frères méditaient la haine, ils l'entretenaient, puis c'était quelque chose qui, pas chérissait, là, mais qui entretenait. Mm-hmm. Oui. Donc, le texte que nous lisons, d'après selon ce qui a été écrit, on ne connaît pas les intentions de Joseph, mais on sait ce qui est dans le cœur de ses frères, ce qui s'est développé dans leur cœur. Mais une chose, c'est que est-ce que Jacob n'aimait pas ses autres fils? Il les aimait aussi parce que l'Écriture dit que il aimait Joseph plus que les autres. Et puis regardez, quelle est la raison pour laquelle Jacob a envoyé Joseph auprès de ses frères? Il s'inquiétait pour ses frères. OK? Donc, ici, comme je l'ai dit tantôt, on voit une dynamique familiale qui n'est pas saine. On voit que la haine dans le cœur des frères de Jacob a été entretenue. OK, cette haine-là, hein, ou l'Écriture dit plus tard l'envie. Ils ont L'envie, attends, si je lis bien. Comment? Verset 11. Oui, ses frères eurent de l'envie contre lui. Donc, ses frères, c'était la convoitise. Convoitise par rapport à la manière dont Jacob agissait envers Joseph, mais aussi convoitise par rapport à ses songes. Parce qu'ils ont dit, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ses songes, le faiseur de songes. Cette convoitise-là, hein, rappelez-vous en introduction, la convoitise, lorsqu'elle est amorcée, lorsqu'elle est encouragée, lorsqu'elle est développée, produit le péché. Jésus a dit que le fait de traiter son frère, en fait, je vais aller en montant, il dit que lorsque quelqu'un est en colère contre son frère, il mérite d'aller devant le juge. Lorsque quelqu'un traite son frère de raca, il mérite d'aller devant le Sanhédrin, qui est le tribunal juif. Lorsque quelqu'un traite son frère d'insensé, il mérite d'être jeté dans la Guéhenne. Donc on voit que cette attitude des frères de Joseph vis-à-vis de celui-ci ne correspond pas à ce que Dieu veut. En fait, c'est un péché. Parce qu'ils ont développé de la colère contre le frère. Et selon ce que a dit Jésus, une telle personne mérite de passer devant les juges. Donc ici, dans le premier cas, nous avons vu une situation familiale très tendue, très conflictuelle, encouragée, motivée par le développement d'une convoitise, d'une envie qui s'est transformée, qui s'est développée avec la haine et les emmener à faire quoi? Leur intention était de tuer Joseph. La Bible est claire là-dessus, noir sur blanc. Imaginez-vous haïr tellement quelqu'un qu'arriver au point où tu dises, il faut que je l'élimine. C'est quand même grave. Hein? Et plus haut, lorsque vous lisez, la Bible dit qu'il ne parlait pas avec amitié à Joseph. Ça veut dire même, quand on leur disait, quand on demandait à Ruben ou à Dan ou à Neftali, qu'est-ce que tu penses de Joseph? Je hais Joseph. J'ai de la haine. Je n'arrive pas à le supporter. Même pas à le sentir. Et il ne pouvait pas lui parler avec amitié. Ça veut dire que quand il parlait à Joseph, c'était froid, c'était brutal, c'était sec. C'était pas agréable. Donc on voit là où ce développement de cette convoitise, cette envie, les a emmenés. Et ce que cela a produit dans leur famille. Cela m'amène dans le deuxième cas. Le deuxième cas qui est notre famille. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne remarque pas ça. Hein? Ça n'existe plus aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on ne voit plus ça dans les familles d'aujourd'hui. Non, c'est vrai que c'est pas avec la même finalité, mais le même schéma. Mais le même schéma. Où les enfants, ils perçoivent comme de l'injustice. C'est certaines choses que les parents font. Où ils perçoivent que les parents aiment plus l'un que l'autre. Ils perçoivent ça ainsi, que les parents sont plus sévères envers eux qu'envers les autres. Hein, parlant de sévérité, c'est en préparant ce message, je me suis rappelé de ça. Enfin, moi, quand j'étais, parce que je suis l'aîné de 3 enfants, et là, à un moment donné, j'ai constaté que mes parents étaient vraiment très sévères envers moi. Par exemple, quand il s'agissait de l'heure de coucher. Bon, durant pratiquement de 7 à 11 ans, à 8 heures, je devais être couché. Ah oui, 8 heures, je devais être couché. Et là, c'est quand il était présent 7h59, ma mère me le rappelait. Et si je faisais une petite résistance, eh bien, je subissais les conséquences corporelles. Mais vraiment, c'était vraiment très rigoureux. Mais avec mon petit frère et ma petite sœur, j'ai dû laisser aller. Hein? oui, l'heure passe et puis elle ne dit rien, elle laisse faire. Hein? Par exemple, moi, je ne pouvais pas rester devant la télé au plus tard 9 heures du soir. Mon petit frère, jusqu'à 11 heures du soir, il dit, quelle injustice. Quelle injustice. Donc, et cela m'a amené à dire que c'était injuste qu'ils aiment mon frère et ma sœur plus que moi. De toute mon enfance, je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Mais ma petite sœur, écoutez, un an déjà, on commence à fêter son anniversaire. Durant tout mon primaire, jusqu'au secondaire, en fait, jusqu'à la fin du secondaire, je n'avais pas de téléphone portable. C'est au début du cégep qu'on m'a offert mon premier téléphone portable. Mais ma petite sœur, écoutez. Déjà, même au secondaire, elle a un téléphone portable. Donc, je vois tout cela comme de l'injustice. Il dit, mais vous la traitez mieux que moi. Moi, j'étais tout le temps martyrisé. Mais c'est ce que je pensais, mais... Est-ce que c'est la bonne manière de penser? Non. Est-ce que mes parents aimaient plus mon frère et ma sœur que moi? Non. La preuve, ils mettaient autant d'investissement dans ma vie que dans leur vie. Quand j'avais besoin de quelque chose, ils répondaient. Quand mon frère avait besoin de quelque chose, ils répondaient. Quand ma sœur avait besoin de quelque chose, ils répondaient. Donc, certaines choses que l'on peut voir comme étant de l'injustice à comme étant pas correct de notre point de vue, mais qui dans la réalité n'est pas exact. Parce que si vous demandez à mes parents, est-ce que vous aimez Landry? Ils vont répondre oui. Est-ce que vous aimez Sidoine? Ils vont répondre oui. Est-ce que vous aimez Ange? Ils vont répondre oui. Mais cette perception-là peut amener à développer la convoitise. Et si on ne fait pas attention, la haine. Et si on ne fait pas attention, en fait, la haine, tu te mets en colère, donc le péché. Oui. Oui, l'envie de... Exactement. Oui. La rébellion. Voilà. Merci Jean-Claude. Mes collègues aînés de famille, est-ce que vous ne vivez pas quelque chose comme ça? Ah, Edouard. Comment? Mes collègues aînés. Ah, ok. Ah, Charles, oui. Et toi, Anna? Donc, on voit que aujourd'hui encore, c'est en fait, je ne justifie pas ce qu'ils ont fait, mais on voit un peu, hein, pour les frères de Jacob, entre autres, ce qu'ils ont pu percevoir ou vivre. Bien sûr, rien ne justifie ce qu'ils ont fait. Et on voit que cette réalité-là est encore d'actualité aujourd'hui, dans les familles aujourd'hui. Pas nécessairement la même finalité, mais le même schéma, le même péché. Merci. Ah, merci les anciens, heureusement que vous êtes là. Hein. le même péché, hein? La même envie, la même jalousie, la même convoitise. Et là, ça, je tombe sur le troisième cas. Le troisième cas qui est la famille de Dieu, qui est l'Église. L'Église, corps de Christ. Est-ce qu'il ne nous est... Ça, ce sont des questions rhétoriques. Donc, c'est à vous-même de répondre ça dans vos cœurs. Est-ce qu'il ne nous est jamais arrivé, comme au frère de Joseph, de développer de la colère contre un frère ou une sœur, de développer de la haine contre un frère ou une sœur, ou même de la jalousie, ou même de l'envie? Est-ce que il ne nous est jamais arrivé de dire, ah, ce frère ou cette sœur est beaucoup plus considéré dans l'Église ou respecté dans l'Église ou mieux vu dans l'Église que moi. Ou même ce frère ou cette sœur est beaucoup plus respecté et aimé que moi. Ou est-ce que ce frère ou cette sœur a... Je vois comment Dieu agit dans sa vie et je l'envie pour ça. Je l'envie pour ce que Dieu fait dans sa vie parce que je veux aussi ça. Je veux aussi vivre ça. Je veux aussi posséder ça. Là, ça fonctionne. OK. C'est déjà dans le cœur de l'enfant, dans sa famille, quand il grandit, c'est s'il a cette attitude-là envers ses frères et sœurs, dans sa famille, quand il va devenir adulte, dans l'Église, il va, si c'est pas corrigé, il va continuer. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Anna. Déjà, avec son attitude, de comment elle agit envers ses jeunes frères et sœurs, c'est elle, ça. Ça fait qu'adulte, elle n'aura probablement pas tendance à nourrir. Il y a eu des affaires comme ça quand j'étais jeune. Et les plus jeunes étaient plus épargnés. Les plus vieux étaient plus brutalisés, mais j'en voulais pas. C'était pas dans ma nature de nourrir ça. Ça veut pas dire que j'y réfléchissais pas des fois là, mais je pense que c'est comme ça, tu sais, comme tu disais, de nourrir. Mm-hmm. C'est ça. Mais Dieu est fidèle. L'œuvre qui a commencé en chacun de nous, il va la rendre à son terme, tu sais. C'est que j'ai cette confiance-là en Dieu. Même s'il arrive que l'on ait cette perception ou ce sentiment, nous sommes la famille de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nous? Dieu dit qu'une mère oublie-t-elle son enfant? Quand même elle l'oublierait, moi, l'Éternel, je ne l'oublierai jamais. Alors, l'assurance de l'amour de Dieu pour nous, je dirais, est un remède efficace. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. N'est-ce pas ce qu'il a fait pour chacun de nous? Alors, même si l'on peut avoir l'impression, même si l'on peut avoir l'impression de, de ne pas se sentir aimé, considéré, respecté comme les autres, eh bien, nous avons un Père dans le ciel qui nous aime d'un amour infini, inconditionnel. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, son seul Fils, Jésus. Tu voulais intervenir? Profites-en en même temps. Jésus. Ouais, c'est ce que tu voulais dire tantôt? Oui? Tu levais la main, c'était pour ça? Okay. Alors, nous avons vu trois cas à travers lesquels Dieu nous interpelle à ne pas amorcer ou nourrir ou développer la convoitise dans nos cœurs et à considérer l'amour de Dieu pour nous. En fait, un amour parfait, inconditionnel. En fait, l'amour témoigné par les hommes peut ne pas être parfait. En fait, l'homme n'est pas parfait. Donc, il peut avoir des limites dans la manifestation de l'amour des hommes. Des limites dans la manifestation de l'amour là où on se trouve. Mais, comment? Oui, on est tous des frères en Christ. Et là, Dieu déverse son amour parfait. Amen. Alors Dieu nous encourage à... Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir l'envie ou la jalousie. C'est de ne pas la nourrir. C'est de ne pas l'amorcer. Vous savez comment cette envie-là que j'avais à l'égard de mon frère et de ma sœur est partie parce que j'ai considéré que mes parents s'investissent autant dans leur vie que dans la mienne. Donc Dieu s'investit autant dans ma vie que dans la vie de chaque personne. Ici présent, alors ne nourrissons pas ces sentiments que sont l'envie ou la jalousie ou la convoitise. Parce que lorsque ce sentiment est nourri, il entraîne le péché. Et le péché, la mort, oui. Alors, c'est un encouragement à persévérer et à considérer l'amour de Dieu pour nous qui est inconditionnel. Amen, amen.